Alors bonsoir et bienvenue au Centre d'Universalité. Avec notre ami Raphaël Payeur, on commence sans trop de préambule. On rentre directement dans le vif du sujet. Ce soir, il sera donc question de croire ou de comprendre. Alors, est-ce que ça veut dire les croyances opposées au savoir ou à la connaissance? Est-ce que tu pourrais, au départ, nous éclaircir un peu ceci, les croyances, le savoir, les connaissances? Bon, d'abord, la question est mal posée. Si on veut, commence bien. Si on veut l'aborder d'une manière au niveau de l'homme nouveau, parce que c'est vrai qu'on a changé d'année. On peut pas se permettre de poser la question croire ou comprendre, parce que si on veut saisir ce qu'est le concept de croyance ou de croire et ce qu'est le concept de comprendre, il faut les regarder d'un point de vue vibratoire. Si on les regarde d'un point de vue vibratoire, il y a plusieurs niveaux, à la fois de croyance et de compréhension. Bon, si on veut cataloguer ça d'une manière très précise, on pourrait dire que la croyance peut être visualisée à trois niveaux principaux. Le premier niveau, c'est ce que j'appellerais la croyance, mais en rapport avec la réalité de l'esprit. Et alors, la croyance est le principe créateur dans l'univers. Sans la croyance, il n'y a absolument rien qui puisse exister dans l'univers. C'est le principe de création. Donc, le premier niveau, c'est peut-être l'énergie la plus importante au sein d'un univers constitué comme le nôtre. Si on le regarde d'un point de vue de la réalité du monde, c'est un obstacle. C'est la croyance dogmatique, c'est la croyance tragédique, c'est-à-dire tragique, c'est-à-dire une croyance où on adhère comme à une petite réalité, à une petite facette de la réalité, en croyant que c'est la totalité. Bon, ça, c'est les chicanes de clocher, ces choses-là. Si on la regarde d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire le pont entre l'esprit et le monde, eh bien, c'est le principe d'avancement. Parce que dans l'évolution de l'homme, et dans la constitution éventuelle d'un homme nouveau, le principe de la croyance est le moteur des étapes qu'il a à franchir. C'est-à-dire que si on veut faire un cheminement dans le développement de soi, il faut essentiellement pouvoir se fonder sur quelque chose. Et ce fondement-là est une croyance. Alors voilà, pour situer dans un premier temps la croyance. Qu'est-ce que la compréhension maintenant? Bon, la compréhension, comprendre une chose, eh bien, si on prend l'étymologie latine, on a comprendere, prendre avec soi. La compréhension, c'est le mécanisme qui nous permet de prendre avec soi. Si on regarde la compréhension d'un point de vue philosophique ou d'un point de vue analytique, on se rend compte que la différence entre la croyance et la compréhension, c'est que dans le mécanisme de la compréhension, il y a le phénomène de la logique. C'est-à-dire, il y a un développement logique d'un concept ou d'une explication. Prenons le terme explication. Donc, on part de quelque chose et on développe avec la logique. Or, ce qu'on ne comprend pas, hein, et ce qu'on ne saisit pas dans ce mécanisme, c'est que pour la compréhension, il faut d'abord une chose, la croyance. Il faut une croyance de départ qu'on appelle le fondement pour pouvoir élaborer toute une compréhension d'une réalité. Bon, ça c'est le premier problème. Deuxième problème, pour se servir de la logique, il faut croire en la logique. C'est-à-dire, c'est ce que les Américains appellent « the rational belief », la croyance rationnelle ou la croyance en la raison. On ne peut pas élaborer une explication logique sans croire en la possibilité, en la valeur de la logique. Or, le problème qui se situe au niveau de la compréhension, c'est que la logique comme telle est limitée, elle est opaque. Hein, c'est les fameux paradoxes dont on a beaucoup parlé tant dans le passé que maintenant, à savoir, par exemple, François le Montréalais dit « tous les Montréalais sont menteurs », eh bien, cette phrase, elle est opaque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la résoudre. Hein? Parce que s'il dit vrai, il dit faux, s'il dit faux, il dit vrai. Alors, si on joue un peu comme ça dans les paradoxes, on se rend compte que l'outil fondamental de la compréhension, qui est la logique, c'est un outil circulaire. C'est un outil qui nous fait tourner en rond, qui ne nous fait pas avancer du tout. Donc, en ce sens-là, dans une première définition de la problématique, c'est-à-dire de la tension entre croyance et compréhension, on se rend compte que la compréhension est une croyance rationnelle, c'est-à-dire une croyance où l'on fait intervenir l'intelligence du mental, c'est-à-dire la façon circulaire de fonctionner. Et la seule introduction de ce qu'on pourrait appeler une faiblesse dans le système, c'est la dualité. On est dans l'année, on entreprend l'année internationale de la paix. Eh bien, la paix doit d'abord s'introduire au niveau de nos structures mêmes de pensée. Et c'est-à-dire, on doit en arriver à atteindre l'identité de la non-identité. C'est-à-dire la conjonction de la dualité, la conjonction des contraires dont on a d'ailleurs souvent parlé. Alors ça se situe un peu, dans un premier temps, je ne sais pas si vous avez des questions pour intervenir là-dessus, le rapport qui existe entre croyance et compréhension. Bon, est-ce que la croyance mène à la clarté? La croyance peut mener à n'importe quoi. C'est-à-dire que la croyance est un fondement. En soi, c'est une révélation intérieure, c'est un contact, si on veut, entre le monde de l'esprit et le monde de la matière, le monde mondain et le monde spirituel. C'est un contact qui s'établit à un moment donné et qui fait qu'à l'intérieur d'un individu, il y a un fondement qui apparaît. Et ça peut mener à n'importe quoi dans la mesure où on se sert, par exemple, de la compréhension. C'est-à-dire qu'on commence à raisonner sur le problème. La seule difficulté que je veux soulever dans un premier temps, c'est que on a cru très longtemps et on croit encore que grâce au raisonnement, on va arriver à unir toute l'humanité. C'est-à-dire que grâce au raisonnement, on va en arriver à prendre des gens qui ont différentes position, option dans le monde, sur un plan philosophique ou à quelque niveau que ce soit, et on va les amener à penser une seule et même chose. C'est un problème parce que c'est de trop investir dans le mécanisme de la logique, au point où on pense éventuellement que la logique va permettre de convertir quelqu'un, en quelque sorte. Hein? Et il y a des conversions qui se font par la logique. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'ésotérisme, on parle souvent de réincarnation. Alors, vous pouvez faire tout un discours logique sur la réincarnation, faire une belle conférence très bien structurée, on nous enseigne ça dans les écoles ésotériques, une très belle conférence structurée sur la réincarnation devant un groupe de personnes. Certains y croient, certains ne savent pas trop sur quel pied danser, d'autres n'y croient pas du tout, ont une croyance tout à fait contraire. Et puis, par la logique, vous pouvez en arriver à créer une espèce d'illusion face aux gens. C'est ce qu'on appelle un sophisme, ça, non? Ce genre de discours-là. D'une certaine manière, oui. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont oublier? Ils vont oublier qu'ils ne croient pas à la réincarnation. Devant la belle élaboration logique du fait que la réincarnation répond à toutes les questions. Et ils vont en arriver à adhérer. Mais le problème, c'est comment vont-ils adhérer à cela, suite à notre discours? Eh bien, ils vont y adhérer d'une manière dogmatique. C'est-à-dire qu'ils vont retomber dans le même mécanisme de la croyance. Alors, c'est là que la compréhension, le mécanisme de raisonnement ou d'explication ne peut plus suffire, parce que les gens retombent constamment, parce que l'explication est limitée, retombent constamment dans le même piège, retombent constamment dans le même rapport d'une adhésion dogmatique à une réalité, à une explication quelconque. Alors, ils sont réincarnationnistes de la même manière qu'ils étaient anti-réincarnationnistes avant. Et ce qu'il faut en arriver à obtenir, c'est un savoir qui n'est pas limité comme ça par facette. C'est un savoir qui apparaît, tout simplement, qui apparaît à travers différents mouvements ou à travers différentes étapes. C'est-à-dire que on commence tous par les mêmes étapes. Tout homme se développe selon des structures qui sont analogues. La première étape, c'est la conscience de quelque chose. Un individu va être conscient, par exemple, qu'il y a une table ou qu'il y a quelqu'un devant lui. Ça, c'est la conscience de. Alors, qu'est-ce qui compte dans ce premier moment de la conscience? C'est l'objet. Alors, l'individu investit tout le potentiel de réalité dans l'objet. Alors, il se dit, quelque chose qui est réel, c'est un objet. C'est quelque chose d'objectif. Bon, ça, c'est les scientifiques, par exemple. Il y a un deuxième niveau de la conscience qui est atteint un peu plus tard dans l'expérience et qui est la conscience de soi. L'individu réalise que non, la réalité, elle n'est pas dans l'objet face à soi, mais elle est en soi. Alors, c'est tout le ronronnement mystique. C'est la personne qui retourne en elle-même et se retourne et se retourne. Bon, elle se complaît dans son soi, dans son propre être. Elle dit « le monde, c'est moi ». C'est ça. Bon, ça, c'est la conscience de soi. Ensuite, il y a l'entendement, c'est-à-dire ce dont on a un peu parlé tout à l'heure en parlant de la compréhension. C'est-à-dire que les gens commencent à se dire « oui, d'accord, maintenant, il y a une explication qui est à donner ». Et cette explication, elle est un rapport entre moi et l'objet. C'est-à-dire que l'objet, il existe, il fait partie d'une réalité minérale, végétale, etc. Mais moi, j'ai des sens. Alors, c'est la phase de l'entendement et du raisonnement. On se dit, bon, j'ai certains sens, bon, j'ai un œil qui est constitué de telle manière. Alors là, on fait de la biologie. On se rend compte que, bon, c'est de la lumière qui est réfléchie par un objet qui entre au niveau de l'œil, qui est inversé dans la rétine, etc. Là, on étudie les mécanismes. Et on se dit, ben voilà, si je vois ça, c'est qu'il y a un bombardement photonique qui arrive dans mes yeux, qui impressionne les cellules de mon cerveau, etc. Ça, c'est la phase de l'entendement. Et ensuite, il y a la phase du concept, où l'individu cesse de considérer comme important l'objet, cesse de considérer comme important le sujet, et cesse de considérer comme important le rapport qui existe entre le sujet et l'objet. Autrement dit, pour lui, il n'y a plus cette distinction. Et à partir de ce moment-là, l'homme entre dans ce qu'on appelle le savoir. C'est-à-dire dans cette prise de conscience, dans cette auto-prise de conscience de l'absolu ou de l'esprit. Parce que qu'est-ce qui est important pour un homme nouveau? Ce qui est important pour un homme nouveau, c'est l'esprit qui se manifeste. C'est l'esprit qui se phénoménalise. Mais ce n'est pas l'esprit comme quelque chose d'antérieur, comme quelque chose qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas les étapes que cet esprit franchit. C'est le mouvement que franchit cet esprit. Alors, pour un homme qui entre dans un nouvel état de conscience, ce qui est important pour lui, c'est la fluidité de tout ça. Alors, il essaie de ne plus se laisser limiter et ralentir dans des moments de son développement. Mais il comprend que c'est seulement dans ce mouvement de transformation, dans ce mouvement du savoir qui apparaît à lui-même, qu'il se passe quelque chose de merveilleux. Et c'est là le début d'une nouvelle étape dans le développement de l'homme. Bon, et il me semble que la compréhension, là, ça ne réclame pas la compréhension de ce qui est. Ça ne réclame pas une forme de croyance, là, mais plus une perception directe, avec un esprit ouvert. Est-ce que dans la compréhension, il y a de la croyance? Dans la compréhension, il y a essentiellement un fond de croyance. Si vous comprenez un mécanisme, par exemple, si vous comprenez, prenons le même exemple qu'on a donné tout à l'heure, pour simplifier les choses au maximum, si vous comprenez la réincarnation comme mécanisme d'évolution, hein, ben, y a une croyance derrière. La croyance qui est derrière, c'est quoi? C'est la survivance de quelque chose après la mort, sinon pas de réincarnation. Si vous comprenez les mécanismes de la réincarnation et que vous vous dites, c'est basé sur une loi qui est la loi du fait que lorsqu'on pose un geste, il y a une conséquence. Vous croyez en la logique? Mais qu'est-ce qui vous dit à vous, en dehors d'une simple croyance, que la logique a une valeur? Qu'il y a vraiment quelque chose de vrai et de faux? Qu'il y a vraiment un savoir vrai et une fausseté? Qu'il y a vraiment dans l'univers un rapport qui existe entre un geste qui est posé et puis une conséquence plus tard? C'est une croyance. Comment voulez-vous affirmer cela sans une croyance? Alors, autrement dit, lorsqu'on parle, on émet une croyance. Lorsqu'on parle, au moins on croit à la valeur du langage. Au moins on croit à la valeur de la logique, de la raison, telle qu'on l'utilise normalement. Bon. Mais qu'est-ce qui engendre la croyance? Est-ce que c'est pas le désir, finalement? Et le désir, lui, est-ce qu'il engendre pas la confusion? Non. Ce qui engendre la croyance, c'est l'intelligence. C'est-à-dire, c'est ce qui est le mouvement même de l'esprit dans l'univers. Le mouvement de l'esprit dans l'univers amène, au niveau de l'esprit, là, je parle pas d'une croyance bête, là, d'une croyance tragique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une croyance dogmatique dans quelque chose de très fermé. Je parle d'un point de fondement, d'un fond quelconque. Bon, ça, c'est tout le mouvement d'évolution qu'il fait. Mais ce qui est paradoxal dans ça, c'est que dans le fond, dans le mécanisme du savoir, il n'y en a pas de fond. C'est un fond sans fond. Hein. En allemand, on dit « Zugrundgehen », hein. Aller au gouffre. Excusez-moi l'accent en allemand. Bon, c'est aller au gouffre, c'est-à-dire aller finalement dans un fond sans fond. C'est s'effondrer. C'est pourquoi ceux qui ont compris quelque chose dans le mécanisme de l'évolution savent que ce qui est le plus important, c'est la négation. C'est la destruction. Alors, c'est le principe de Shiva, d'Anubis chez les anciennes traditions, c'est le principe du reniement de Saint-Pierre et c'est le principe de tout le développement futur de l'homme qui est d'aller d'un effondrement à un autre effondrement. C'est-à-dire être capable d'effondrer ce qui était en soi quelque chose qui venait nous limiter, venait nous encapsuler. Et cet encapsulement, eh bien, on a de la difficulté à s'en sortir. Hein? C'est parce que c'est très subtil, parce qu'on a été élevé, on a été éduqué depuis des millénaires, depuis notre incarnation sur la planète, à avoir précisément ces limitations, à être capable de se situer très bien. Alors on a cette fâcheuse habitude de vouloir être citoyen d'une nation, d'un pays, alors qu'on doit apprendre le dépaysement. On doit apprendre à supporter, ça c'est pas facile, à supporter en soi l'inquiétude absolue de l'esprit. Être capable de supporter en soi de ne pas avoir de nation, d'être dans un dépaysement total. Et la compréhension, c'est le contraire. La compréhension, c'est un beau paysage qu'on se construit avec l'intellect pour se sécuriser. Et c'est la compréhension. Si on en arrive à faire exploser cette compréhension, à l'envoyer au gouffre, hein, à partir de ce moment-là, on devient citoyen de l'univers. On entre dans une intelligence qui est beaucoup plus universelle. Et on délaisse ce vieux nationalisme qu'on avait autrefois. Nationalisme, j'entends par nationalisme, une belle scène qu'on se construit. Avec toute notre force intellectuelle et avec tous les fondements que l'on peut trouver au niveau de la croyance. Donc, l'appel que l'on a vers une transformation de notre être, vers une transformation de notre intelligence, c'est un appel au dépaysement total. C'est un appel à, j'aime le mot, c'est le mot que je veux utiliser, à une fluidité. Être capable d'aller dans la fluidité et ne plus être cristallisé dans des zones très limitées, dans des barrages qu'on s'est construits éventuellement. Est-ce que la foi, c'est pas un autre nom de la croyance? La foi, ce serait la croyance psychologique. C'est-à-dire que la foi elle a un pouvoir. Je vais vous expliquer pourquoi la croyance, lorsqu'elle est exaltée au niveau de l'esprit, comme dans ce qu'on appelle la foi, mais pas la foi bête, hein, mais une foi authentique, eh bien, pourquoi ça a un pouvoir? C'est pour la raison suivante. Tout à l'heure, je vous ai dit, ce qui est important, c'est pas l'objet. C'est pas le sujet. C'est pas le rapport objet-sujet. C'est la constitution de la réalité qui est importante. C'est-à-dire que lorsque l'absolu, ce qu'on appelle l'absolu, se manifeste, se phénoménalise et génère ce qu'on appelle l'univers, nous et toutes les hiérarchies, toutes les intelligences de cet univers, eh bien, il crée l'univers. Or, nous avons la possibilité, par la croyance, de créer le monde. Et c'est par la croyance que l'on crée le monde. Autrement dit, je vais vous dire quelque chose ici qui est très important. Si on ne croit pas qu'on est un homme, on n'est pas un homme. Si au fond de nous, on pouvait à un instant croire que nous ne sommes pas un homme, nous ne pourrions pas tenir comme homme. Si à un instant à l'intérieur de nous-mêmes, on croyait que cette chaise n'existerait pas, on se retrouverait sur le sol. La croyance, elle est constitutive du monde. Et c'est pourquoi, lorsque l'on parle, c'est important. Et lorsque on a parlé dans les systèmes philosophiques de l'importance de la foi, c'était aussi très important parce que si vous croyez vraiment une chose, mais alors là que vous la croyez en profondeur, je vous ai dit dans l'introduction de cet exposé que la croyance était le mécanisme créateur de l'univers, vous créez la réalité à laquelle vous croyez. Alors, c'est en ce sens-là que la croyance a une force extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle est capable de générer des réalités. Et elle est ce qui génère les réalités. Autrement dit, elle est derrière toute chose. C'est ce qu'on appelle parfois l'intelligence. Bon, maintenant, les croyances religieuses ou politiques, là, est-ce que ça n'empêche pas la compréhension des relations humaines? Ouais. Les croyances religieuses, les croyances politiques sont des croyances qui mènent à la destruction de l'homme, c'est sûr, et à son ralentissement. Pourquoi? Parce que ce sont des croyances qui sont au niveau de la réalité du monde, c'est-à-dire ce sont des croyances tout à fait limitées. Ce sont des croyances rationnelles. Ce sont des croyances intellectuelles. C'est-à-dire ce sont des croyances, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ont une valeur de vérité, qui sont ou bien vraies ou bien fausses. Et chacun pense, dans sa croyance, que tous ses actes sont justifiés. Hein? Celui qui fait la révolution dans un pays, hein? il se croit justifié de faire sa révolution parce qu'il croit en certaines valeurs de l'homme, etc., etc. Et celui qui fait la répression de la révolution et qui descend les révolutionnaires se croit justifié parce que c'est pour la sécurité de la nation, l'équilibre du pays, etc., etc. Bon, alors ce type de croyance mène à quoi? Mène à l'affrontement, mène à la désunion, mène à la destruction, c'est évident, puisque par croyance, on entend là un secteur de la réalité qui est pris comme la totalité. C'est ça tout à l'heure que j'appelais la tragédie. C'est une tragédie. C'est vraiment une tragédie. Et c'est une, selon une expression connue, c'est une culpabilité innocente. La personne, elle est innocente. Elle ne peut pas faire autrement. Elle est coupable. Elle est coupable de s'être laissée prendre au piège de cette limitation. Alors, c'est un dilemme, encore une fois, parce que on ne peut pas faire autrement. Hein? Certaines personnes ne peuvent pas encore faire autrement. Plus tard, ce sera différent. Et en même temps, c'est un crime. C'est un crime contre l'universalité. Hein? C'est un crime contre la dimension universelle de la réalité, de l'univers, du monde. Donc, la croyance ne mène pas à la clarté? La croyance, attention, la croyance mène à n'importe quoi. Ça dépend ce qu'on croit être la croyance. La croyance dogmatique mène à la nullité, à la destruction de l'individu en tant qu'unité d'évolution, entité en évolution. Mais la croyance de l'esprit est le principe de création, donc mène à la seule clarté qui puisse exister. Alors, ce qu'il faut faire attention, parce que là, ce que vous essayez de faire, c'est d'analyser la croyance et de la limiter. Dire la croyance, elle peut mener ou elle ne peut pas mener à la clarté. C'est le défaut que j'avais souligné du thème de l'exposé de ce soir, croire ou comprendre. C'est pas possible, ça, de poser la question comme ça. Parce que c'est dans une pensée du ou bien. Ou bien on croit, ou bien on comprend. C'est une illusion. Hein? Ou bien la croyance mène à la clarté, ou bien la croyance ne mène pas à la clarté. Ça veut rien dire. Il faut bien qu'il y en ait un qui le fasse. Oui, je sais. Mais ça veut rien dire. C'est simplement ça que je veux essayer de faire comprendre ce soir. C'est le calvaire de la médiation. C'est d'en arriver à être capable de ne plus avoir jamais dans la tête le ou bien. Ou bien ça va aller mal. La croyance, est-ce qu'elle génère de l'activité ou de l'action? La croyance, elle génère de l'action à tous les niveaux. Elle génère de l'action au niveau créateur de l'homme, puisqu'elle est constitutive de la réalité. Elle génère de l'action au niveau du monde, c'est la construction des systèmes, c'est la construction des religions, des philosophies, des écoles de pensée. Et elle crée du mouvement et de l'action au niveau de la psychologie, parce que c'est ça qui permet d'avancer, c'est-à-dire de poser des fondements sur lesquels on se repose un certain temps pour ensuite gravir un échelon, et gravir un échelon supplémentaire et un échelon supplémentaire. Alors, la croyance, elle est, en un mot, le moteur de l'action. Et l'action, c'est l'évolution. Donc, il n'y a pas d'évolution sans croyance. C'est surprenant, peut-être. Oui, c'est intéressant, en tout cas. Bon. Alors, si on veut, on a parlé un peu de la croyance, on a parlé un peu de la compréhension, on a parlé un peu du savoir comme étant cette énergie du mouvement, finalement, de l'esprit qui s'apparaît à lui-même. Maintenant, il y a d'autres mots qui sont aussi assez incompris autour de ces mêmes concepts. Il y a la connaissance. Bon. La connaissance, c'est quelque chose de différent. La connaissance, bon, sur un plan typiquement phonétique, on sait que c'est une connaissance, c'est une naissance avec. Eh bien, la connaissance, c'est l'aspect initiatique du développement de l'homme. C'est-à-dire que lorsque on connaît, on est capable de laisser la réalité être. On ne veut plus se l'accaparer comme lorsqu'on veut comprendre une chose. On la laisse être et on est avec elle. C'est-à-dire qu'on est enrichi. Hein? On croit en elle. Bon. Et ce mécanisme-là, c'est le mécanisme, en quelque sorte, le plus élevé. C'est le mécanisme qu'on appelle, dans une autre façon de s'exprimer, l'amour. Bon, l'amour et connaissance, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est d'être capable de naître avec l'autre. Et en naissant avec l'autre, on devient un. On ne fait plus qu'une seule chair, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de se dissocier comme on se dissociait dans la première phase de la conscience dont on a parlé tout à l'heure, lorsque on met l'objet comme important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se nie comme individu. Lorsque on met l'individu, le soi, comme important, on nie l'objet. Eh bien, là, on est capable d'aller beaucoup plus loin que cela et cesser de faire la distinction. Et on en arrive et éventuellement à pouvoir vraiment faire un avec la réalité qui nous entoure. On peut dialoguer avec une pierre, avec un bout de bois, etc. J'ai entendu des gens qui sont, disons, qui sont un peu différents de la majorité du monde et qui parlent avec des objets. Hein? On trouve ça un peu bizarre. Mais parfois, c'est beaucoup plus facile de parler avec un objet, ou ça, ou plutôt laisser l'objet parler, que de parler avec des gens. Hein? Bon, ça crée, il y a moins de, il y a moins de difficultés de communication. D'ailleurs, c'est normal, c'est que c'est à un niveau vibratoire autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est tout simplement qu'il faut laisser les choses être ce qu'elles sont, et être soi-même ce que l'on est, et à travers ça, prendre de plus en plus un rapprochement. Et c'est ce que on a toujours enseigné dans la pensée traditionnelle, à savoir en arriver à cette connaissance qui est initiatique. Alors ça, c'est un autre aspect de ce même fonctionnement ou de ce même concept-là qui tourne autour de connaissance, compréhension, croyance, etc. Mais il s'agit toujours de faire attention lorsque on donne une définition. Parce que si vous définissez la connaissance en disant que la connaissance, c'est de connaître avec une chose, hein, eh bien, vous excluez là que la connaissance soit le contraire de ça. Et encore une fois, vous jouez le jeu de l'intellect. Autrement dit, il n'est pas possible de véhiculer la connaissance par le langage. Et c'est pourquoi des conférenciers vont vous parler pendant 10 minutes d'un sujet dans une certaine voie, et ensuite vont vous parler pendant 10 autres minutes du contraire de ce qu'ils viennent de dire. Et ça, ça ne les trouble pas du tout. Ils tricotent et détricotent. Ben oui, mais pourquoi ils sont capables de faire ça? C'est parce qu'ils ont réalisé que le langage, sur un plan intellectuel, sur un plan de l'entendement, sur un plan de la compréhension, est incapable de véhiculer quoi que ce soit. Vous pouvez pas véhiculer une connaissance et vous pouvez pas véhiculer une compréhension ou une explication par le langage. Si vous dites, par exemple, un individu, c'est l'exemple que j'ai déjà donné dans des conférences antérieures, il y a un Tyrannosaurus Rex sur la rue Sainte-Catherine, ça ne dira rien à la personne à qui vous le dites. Sauf si elle sait ce qu'est la rue Sainte-Catherine, puis ce qu'est un Tyrannosaurus Rex. Hein? Si vous dites à une personne, le roi de France a les cheveux blonds, ça ne dira rien à la personne. Ça n'a même pas de valeur de vérité. Hein? Autrement dit, le langage, il est opaque. Le langage ne peut jamais transmettre une connaissance. Ça, c'est une illusion de penser ça. Il peut transmettre une vibration, il peut transmettre une énergie, il peut transmettre une intelligence qui fait qu'un individu va être vibratoirement à l'intérieur éveillé. Il va s'éveiller à une réalité. Hein, c'est pourquoi il faut jamais tenir compte tellement de ce qui est dit sur le plan intellectuel par un individu. Il faut aller voir un conférencier et puis essayer de ne pas... Bon, vous savez, il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens qui viennent dans une salle où il y a un conférencier pour le contredire. Ils attendent la période de questions, poser des questions pièges, et puis pour le prendre. Bon, ça, qu'est-ce que c'est ces gens-là? Ce sont des gens qui en sont encore à la conscience de soi. Et puis l'autre est annihilé. Et ce qu'ils veulent, parce que c'est difficile d'être... C'est se mesurer. C'est se mesurer. Hein? Et sur un plan intellectuel. Alors là, évidemment, si le conférencier est fort sur le plan intellectuel, sur un plan intellectuel, il retourne un peu déprimé. Si c'est le contraire, il retourne en forme. Bon, alors il y a ce type de personnes-là. Il y a ensuite les gens qui viennent pour recevoir quelque chose d'une manière passive. Recevoir une connaissance, c'est comme si c'est quelqu'un qui est à un pied et demi plus haut du sol, eh bien, ça semblerait être quelque chose d'important. Alors, ils viennent pour recevoir ça, c'est une croyance dogmatique, si on veut. Et il y a des gens qui viennent et qui ne sont pas du tout intéressés par ce que le conférencier va dire. Hein? Qui ne sont pas intéressés non plus au sujet que le conférencier va élaborer, ou si c'est une conférence qu'ils ont déjà entendue, ou peu importe. Hein? Ils savent très bien que le conférencier peut lui apporter très peu sur le plan d'un entendement, d'une connaissance intellectuelle, mais ce qu'ils viennent rechercher, c'est une vibration. Et alors là, chaque conférencier sur cette planète est à un certain registre vibratoire, et peu importe ce qu'il va dire. Peu importe les mots qu'il va utiliser, peu importe son éloquence et son élégance, il va quand même transmettre une vibration très particulière, qui est celle de son rayon, qui est celle de ce qu'il a à manifester sur la planète, c'est-à-dire qui est celle de son niveau d'évolution, d'énergie. Alors, il transmet cette vibration. Alors, les gens sont là et captent cette vibration sur un plan inconscient. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ont reçu. Ceux qui comprennent ce qu'ils ont reçu, c'est là qu'est le problème. Parce que ils l'ont intellectualisé. Ils l'ont fait entrer dans la grande roue circulaire et à un moment donné, ils vont se dire « Pierre le Crétois dit, tous les Crétois sont menteurs. » Ils vont arriver à un dilemme, à une impasse. Et ça, c'est important d'ailleurs. C'est normal, c'est là qu'il se déclenche quelque chose. Mais celui qui vraiment est à la recherche d'une conscience nouvelle, c'est celui qui va pas trop se préoccuper des mots qu'ils vont dire. Mais surtout qui vont sentir l'énergie. C'est la fluidité à laquelle tu faisais allusion. C'est ça. Alors que dans une conférence, je parle en faveur de la réincarnation, ou dans une autre conférence, je parle, dans le contraire de la réincarnation, ça n'a pas d'importance dans le fond. Ce qui est important, c'est l'énergie qui va être activée à ce moment-là. Et qu'est-ce qui va jaillir à l'intérieur de l'individu au niveau de la réincarnation? Parce que moi, j'arrive au même résultat si je donne une conférence contre la réincarnation ou pour. De toute façon, il va y avoir une prise de conscience intérieure d'un mécanisme. Il va y avoir intégration d'une certaine énergie. Et là, la personne va pouvoir faire son propre cheminement. Le danger, c'est de vouloir qu'il y ait un savoir vrai, qu'il y ait un savoir faux. C'est vrai qu'il y a une fausseté, qu'il y a une vérité. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais c'est par rapport à soi. Ça n'a pas une valeur universelle, la vérité et la fausseté. Ça a une valeur limitée, spatio-temporelle, dans l'espace et dans le temps, pour un individu qui est à un certain niveau de son cheminement. Et alors là, il a besoin de croire en quelque chose. C'est très dangereux de miner la croyance des gens. Très, très, très dangereux parce que c'est le fondement. Et ce n'est pas tout le monde qui est prêt à aller au gouffre. C'est pas tout le monde qui est prêt à ne plus être capable de toucher le sol, hein, et de supporter ce que j'ai appelé tout à l'heure cette inquiétude absolue. Cette angoisse transcendante qui est à l'intérieur de l'individu. C'est pourquoi il faut donner des explications, faire de la compréhension. Il faut transmettre un certain nombre de croyances pour que les gens puissent se situer tranquillement. Et c'est à eux et à eux seuls de faire le pas suivant, qui est celui de se lancer au gouffre. Et ça, on ne peut pas lancer quelqu'un au gouffre. Il faut se lancer soi-même. Il faut, lorsqu'on est prêt à une expérience un peu plus profonde à travers le monde, de leur faire le pont, faire le cheminement et aller au-delà de ces limitations qu'on s'était données. Mais tout ce que l'on peut aujourd'hui saisir à l'intérieur de ça, c'est que il faut avoir à l'intérieur de tout ce mécanisme le plus grand des respects. Le plus grand des respects pour toute manifestation de l'esprit. Parce que cette manifestation de l'esprit, c'est nous qui la générons. C'est-à-dire que tout ce qui autour de nous nous semble mal, tout ce qui autour de nous nous semble bien, ça vient de nos propres croyances. Transformez-vous vous-même et vous allez voir la transformation du monde. C'est là que on peut, et c'est la seule possibilité qu'on a ce soir à l'intérieur de ce thème, de réaliser le pouvoir créateur de tout cela. Le pouvoir créateur qui est en nous, hein, et qui ne peut être limité que dans la mesure où on ne l'exprime pas soi-même. On a un pouvoir illimité de l'exprimer, cet énergie de création. Et cette énergie de création, elle nous permet de voir le monde d'une façon différente et d'avoir un savoir qui va être différent selon qu'on est à tel et tel moment de cette révélation d'esprit dans le monde, de cette révélation de l'absolu dans son expérience d'incarnation. Alors, le pouvoir créateur, c'est ça qui est essentiel. Bon, alors, si la connaissance initiatique ne peut pas se transmettre par la parole ou par les écrits, à quoi servent les ordres ou les mouvements ésotériques? Les ordres et les mouvements ésotériques sont des barrages sur la rivière, sur le flux de l'évolution. Pour que des gens qui sont dans une inquiétude trop profonde puissent s'arrêter, prendre un certain temps, se renforcir et ensuite faire un pas supplémentaire. Alors, vous savez que ces écoles ésotériques, ces mouvements spirituels et ces religions sont toujours temporelles. Ils ont très souvent eu des prétentions universelles et éternelles. Alors que l'histoire, et c'est ça le plus important, c'est l'histoire. L'histoire nous montre que, parce que l'histoire, c'est le mouvement d'apparaître de l'esprit, eh bien, l'histoire nous montre qu'elles n'ont jamais été universelles, qu'elles n'ont jamais été éternelles. C'est-à-dire qu'elles sont là pour un certain temps. Mais on a besoin de penser ou de croire qu'elles sont éternelles et qu'elles sont universelles. Parce que, à l'intérieur de nous-mêmes, l'esprit qui est en nous, hein, appelle l'universalité et l'éternité. On est, sur la Terre, on a une nostalgie très profonde du plérum. On a une nostalgie très profonde de l'état dans lequel on se trouvait lorsqu'on était éternel et universel. On ne sait pas par quel moyen se réintégrer à cela. On ne peut pas se réintégrer à cela en se renfermant sur soi-même. C'est seulement en abattant la dualité qu'on peut y arriver. Maintenant, lorsque on est dans une croyance, eh bien, intérieurement, on a cette tendance à l'universaliser et à l'éterniser. C'est dans la nature même de ce phénomène. Et c'est dans la négation de cela, c'est-à-dire dans la négation, encore une fois la négation, de cette éternité de la chose et de cette universalité de la chose, que là, on passe à une nouvelle étape. Et qu'on se rend compte que ce qui s'opposait à nous, en fait, était simplement un aspect de ce que l'on était. Et c'est en ce sens-là que tous ces mouvements, que tous ces systèmes de pensée sont très importants. Ils sont très importants dans des moments comme on vit actuellement, qui sont des moments de crise où il y a ce travail qui se fait. Maintenant, il y a un autre niveau à l'intérieur des mouvements ésotériques, des religions, des systèmes de pensée, même des systèmes politiques comme le marxisme, le communisme, le capitalisme ou peu importe, c'est l'énergie que ça transmet. C'est-à-dire que ça transmet une énergie. Ça ne transmet pas réellement une énergie, mais ça teinte l'énergie d'une certaine manière. Alors ça permet de faire un certain travail, ça permet de faire d'avancer d'une certaine manière, ça confère à l'individu. Ben, écoutez, une personne qui est le président des États-Unis d'Amérique ou le premier ministre du Canada, il y a quelque chose, ça lui rapporte quelque chose, ça, d'être à la tête d'un parti politique, parti libéral ou ainsi de suite, et d'avoir une structuration, d'avoir un égrégore, d'avoir peu importe le nom qu'on lui donne, ça lui apporte quelque chose, ça lui permet de se situer. Et ça lui permet d'être un moment dans l'histoire. C'est tout ce que ça lui permet d'être, un moment dans l'histoire. C'est-à-dire un moment dans la réalisation de l'esprit, éventuellement. Bon. Parce qu'on ne peut le concevoir en tant que personne intellectuelle que dans une élaboration historique. Alors, ça donne d'être un moment dans l'histoire. C'est ça que ça donne, d'être dans un mouvement politique, par exemple. Alors, face à la définition ou aux définitions que tu as données de la croyance, du savoir, de la connaissance initiatique, où places-tu la faillibilité du pape? Vous croyez que c'est une bonne question? C'est une question. Oui, c'est une question. C'est une question qui n'a rien à voir, mais on peut y répondre quand même. L'infaillibilité pontificale, ça fait partie de la structure de la religion. C'est-à-dire que on a besoin, à l'intérieur d'une religion qui est faite d'une manière monarchique, on a besoin d'avoir une tête. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir la monade. Hein, c'est une monarchie. Bon. Dans une monarchie, on a besoin d'une monade. Dans la démocratie, on a besoin du plus grand nombre de têtes. Bon. Alors, c'est une exigence de la religion qu'il y ait une personne à la tête. Maintenant, à l'intérieur de la religion chrétienne catholique romaine, ou plutôt à l'intérieur de la religion romaine, parce que la religion romaine, par définition, n'est pas catholique, eh bien, le pape représente justement cette monade. Or, à l'intérieur du système de l'Église romaine, le pape a une infaillibilité totale et absolue, et c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que même s'il se trompe, pour nous, il se trompe pas. Quand un juge déclare coupable un individu, eh bien, il se passe quelque chose qui est comparable à ceci, c'est que lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Lorsqu'il déclare sa sentence, il est coupable. Bon, dans certaines civilisations anciennes, dans le droit de ces civilisations, par exemple, si l'individu disait « 7 fois de suite, je te divorce », il était divorcé. Le pouvoir de la parole est très grand parce que, justement, la croyance ne peut pas s'épingler comme ça et dire « c'est une croyance vraie ou fausse ». La croyance, elle construit un monde. Eh bien, le pape, lorsqu'il parle, il construit le monde romain. Il construit la monarchie religieuse de Rome. Et on ne peut pas lui dire qu'il se trompe ou qu'il se trompe pas parce que là, on n'a rien saisi à ce qu'il fait. Il construit une réalité. Bon, alors, il construit ce qu'est le dogme romain. À partir de là, il y a des gens qui s'en servent. Mal ou bien, ou plus ou moins bien. Hein? Encore une question du bien ou bien. Alors, ils se servent de cette croyance qui est une réalité. Mais le catholique fidèle au pape, il a tout aussi raison que le conférencier du Centre de l'Universalité, parce que c'est sa réalité. Et sa réalité, on ne peut pas dire qu'elle est moins bonne que la nôtre. Hein? On ne peut pas dire qu'elle est plus vraie ou plus fausse que la nôtre. Elle est ce qu'elle est. Et elle fait partie de l'événement de l'esprit. Et non seulement ça, si vous êtes capable de vous en rendre compte, c'est que vous êtes responsable. Hein? Si le pape a l'infaillibilité pontificale, c'est que vous y croyez. C'est ça que ça veut dire. Dans le fond. Hein? C'est lorsque plus personne ne croira à l'infaillibilité pontificale, le pape n'aura pas d'infaillibilité pontificale. Il va être un autre niveau de travail. Il va faire une autre chose. Il va peut-être se trouver un travail ailleurs. Mais tant que il y a ce type de croyance, et tant que cette croyance évolue, si on veut, eh bien, ça fait partie d'un système de réalité. Et si on l'exclut, si on le met comme négatif, eh bien, à partir de ce moment-là, ça fait simplement montrer que l'on n'est pas en paix, que l'on n'a pas atteint cette paix, cette médiation profonde, qu'on veut se protéger. Finalement, que l'on est égocentrique, qu'on veut rapprocher les choses à soi et qu'on veut les comprendre, les mettre avec soi. Et puis le pape, il veut pas aller avec nous, alors ça va pas, on ne comprend plus la chose. C'est ça qui se passe. Mais il me semble qu'il plane quand même un doute là-dessus au niveau de l'infaillibilité. Il n'y a jamais été une ambiguïté, en tout cas, il n'y a jamais été précisé qu'il était infaillible par rapport à quoi. D'après ce que tu me dis, il est infaillible par rapport aux structures de l'Église romaine, il n'est pas infaillible par rapport à la vérité. Le pape, il représente Melchisédek dans le système romain, c'est-à-dire il représente le prêtre et le roi. Il est roi sur un plan matériel, il est monarque du Vatican, et il est aussi prêtre, c'est-à-dire qu'il a la fonction spirituelle. Et à l'intérieur des dogmes de l'Église, bon, on peut tout élaborer ça, moi je veux bien, à l'intérieur des dogmes de l'Église, il est infaillible lorsqu'il s'exprime ex cathedra, sur une question de dogme, sur une question d'enseignement de l'Église, de la foi. Bon, alors à partir de ce moment-là, le pape a été très peu infaillible dans sa vie. Hein? Le pape qu'on connaît n'a jamais été infaillible. Et puis il y a très peu de papes qui se sont prononcés ex cathedra, qui ont établi un dogme de croyance, etc. Donc on fait une montagne avec rien lorsqu'on parle de l'infaillibilité pontificale. Évidemment, ça a créé des remous parce que lorsque au Concile de Vatican I, on a passé cette espèce de pouvoir au pape, mais il y a eu des remous terribles. Hein. Vous savez qu'il y a eu une tempête extraordinaire sur la place Saint-Pierre de Rome, qui a été interprétée par les non-tenants de l'infaillibilité pontificale comme un signe des puissances des ténèbres, et par les tenants de l'infaillibilité pontificale comme le souffle du Saint-Esprit. On sait dire qu'on peut toujours comprendre les choses à son goût. Mais peut-être que les deux font partie de la même unité. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a eu une terrible tempête à ce moment-là, et cette tempête, elle reste encore dans les cœurs. Bon, vous savez qu'il y a des églises séparées à cause de ça, etc. C'est une montagne avec rien. Parce que ce caractère d'infaillibilité, bien, ce sont les gens qui ne savaient pas vraiment ce que c'était, qui lui ont mis ça sur lui, qui ont fait du pape quelqu'un qui, à chaque fois qu'il prononce un mot, hein? C'est comme si le pape allait voir, c'est une comparaison que je veux pas injurieuse ou peu respectueuse, mais c'est comme si le pape allait voir, je sais pas moi, Come Back come to the Future, et puis qu'il disait à quelqu'un à côté de lui que c'est un mauvais film. Bon, il faudrait pas que l'ensemble des gens de l'Église romaine disent que Come Back to the Future, c'est un mauvais film. Hein, son infaillibilité, il faut la placer où elle est. Hein. C'est simplement, encore une fois, la non-information. Hein. C'est un autre aspect de la question de ce soir. La non-information. Hein. On n'a pas informé les gens de ce que c'était réellement l'infaillibilité pontificale, de sorte qu'il s'est créé toute une espèce de mythe autour de ça qui n'existe pas dans le fond. Alors, de là l'importance de l'information, c'est-à-dire de transmettre, et c'est là que, bon, les écoles dont on a parlé tout à l'heure, les livres, les conférences ont une certaine importance, c'est qu'elles transmettent une information, c'est-à-dire une espèce de structure intérieure qui va permettre à la connaissance de se réaliser, qui va permettre au savoir d'apparaître, qui va permettre à un avancement chez l'individu. Alors là, l'information peut avoir une certaine importance, mais c'est une arme à deux tranchants. Parce que ça peut l'information conduire dans une libération de l'être, dans une liberté de l'être, ou alors dans un esclavage de l'individu aussi. Es-tu en faveur d'une hiérarchisation de la connaissance? Ben, la connaissance, elle est nécessairement hiérarchique. Hein? Si elle n'était pas hiérarchique, il n'y aurait pas d'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas, d'étape. Donc la connaissance donne un pouvoir. La connaissance donne un pouvoir. Ascendant. Il y a une vieille maxime qui disait « savoir, c'est pouvoir ». Mais la connaissance, elle ne donne pas nécessairement un pouvoir de domination. Il faut faire une distinction. Mais est-ce qu'on ne réserve pas les croyances pour le peuple et la connaissance pour la hiérarchie qui dirige? Non. On donne la croyance et la connaissance. Ceux qui sont capables d'absorber la connaissance, ils sont des connaissants. Ceux qui sont capables uniquement d'absorber la croyance, ils sont des croyants. On ne peut pas... C'est ça le problème du 20e siècle. Évidemment, c'est le problème que j'ai toujours soulevé qui me cause tous ces problèmes que j'ai dans ma vie. Les seuls problèmes que j'ai dans ma vie sont autour de ça. C'est la fameuse question d'égalité. On veut que tout le monde soit égal. Que tout le monde ait accès. Et c'est pourquoi on prône la compréhension. Parce qu'on se dit, on a la même illusion qu'on avait autrefois lorsque la science a commencé à se développer. On a dit, la science va conduire au bonheur. Un jour, on sera plus malade. Un jour, on va se transporter comme on va vouloir. On va avoir toutes les facilités, l'ouvre-boîte électrique, etc. La science va nous amener le bonheur. On se rend compte que la science ne nous amène pas le bonheur du tout. Hein? Elle nous amène peut-être pas nécessairement le malheur, mais pas le bonheur plus pour autant. Bon. Ensuite, on a dit l'intelligence, la compréhension des choses va nous amener le bonheur. Parce que on nous a toujours caché des choses, on comprenait pas et c'est pourquoi qu'on était malheureux. Et là, maintenant, avec la compréhension, on va avoir le bonheur total. Bon, c'est une illusion. Parce que on ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose dont qu'il n'est pas prêt à recevoir. Et peu importe ce que l'on pourrait faire, parce que vous savez, actuellement, la Terre est bombardée d'énergie très, très puissante. Très fortes, qui viennent de différents plans d'énergie, différents plans d'intelligence. Mais c'est seulement ceux qui ont appris le champ, c'est seulement ceux qui sont prêts qui peuvent y recevoir ces énergies. On ne peut pas demain matin demander que le lapin se comporte de telle et telle manière parce que c'est comme ça qu'il devrait se comporter. Le lapin, il se comporte comme un lapin. Bon. Et si on veut mettre une égalité à tous et dire que tous ont la même capacité, c'est ça, qu'ils peuvent tous faire la même chose. Eh bien là, on nie le principe de la hiérarchie, on nie le principe de l'histoire, et on fait comme si il n'y avait pas d'histoire. On fait comme table rase. Hein? Comme si, autrefois, on n'avait pas évolué, et comme si on n'avait plus à évoluer. Mais qu'on entrait dans une espèce d'éternel présent où tout le monde est égal. Mais ça, c'est la nostalgie. C'est cette nostalgie profonde que l'on a de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'universelle éternité, c'est-à-dire le plérome. Parce qu'on a déjà été dans cet état, on voudrait devoir se réaliser maintenant, alors que c'est pas le temps. Il faut respecter le temps. Il faut respecter le déroulement du temps. C'est pourquoi il y a, et c'est très important, une histoire. Et que les gens de l'Égypte ancienne, ils pouvaient vivre d'une certaine manière. Et qu'aujourd'hui, on peut pas vivre de cette manière-là. On doit vivre d'une façon différente et demain, on ne pourra plus vivre comme on vit aujourd'hui. Hein? Nier, justement, le principe de la hiérarchie et dire que tout le monde est égal, c'est aussi, d'une certaine manière, nier tout changement possible. Parce qu'on est tous, donc, à ce niveau plat. Hein? On ne peut plus rien faire. On a besoin de marche supérieure, on a besoin de marche inférieure pour avancer. Sinon, on tombe dans la platitude, la platitude totale. Bon. Mais est-ce qu'on respecte l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire qui se fait respecter? Le sens de ce que je veux dire, c'est dans la pyramide aplatie, là, la hiérarchie écrasée ou le communisme dans une certaine forme. Est-ce que c'est pas justement un signe de l'histoire? Est-ce que c'est pas justement très respectif du Kali Yuga ou de la fin d'une ère? Est-ce qu'on a un choix? Est-ce que c'est pas quelque chose qui s'en vient forcément avec la fin d'une ère, d'un cycle, ça? Sur un plan historique, on n'a pas de choix. Ça nous est imposé? Ça nous est pas imposé. C'est nous qui, dans notre mouvement de savoir, le génère d'une façon automatique nécessaire. Est-ce que ça veut dire que plus on avance, plus il y a une dégradation qui se fait? Il y a une dégradation qui se fait. À quel niveau? À tous les niveaux. Absolument à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation d'une part et il y a aussi il y a une dégradation. Pourquoi? Parce qu'il y a une reconnaissance des limitations de notre système antérieur. Alors ce qui se passe toujours, c'est que on détruit un système parce qu'on a reconnu qu'il avait des fondements boiteux. Là, c'est la science. Bon, c'est le système scientifique et logique. Alors, les gens les plus avancés au niveau de la pensée sont des gens qui interrogent la pensée logique et qui interroge la science. Bon, parce que ça a été notre système de base, de fondement. Alors, progressivement, par ces interrogations, on se rend compte, mais oui, c'est vrai, c'est peut-être pas si solide que ça. Il y a un effondrement qui se fait pour créer quelque chose de neuf. La chose de neuf, de nouvelle qui arrive, c'est la connaissance amour. C'est-à-dire, c'est la paix. C'est l'introduction d'une unité entre ce qui était séparé. Mais on passe actuellement vers une dégradation de ça. Alors, ça crée une dégradation à tous les niveaux. Vous demandez à quel niveau? Ben, ça crée une dégradation au niveau biologique. Parce que le corps physique a été habitué à fonctionner d'une manière logique. a été habitué à fonctionner d'une manière dualitaire. Et là, il commence à s'organiser autrement. Beaucoup de crises cardiaques qui font partie de la transformation du muscle cardiaque pour la pénétration des énergies supramentales. Beaucoup de problèmes au niveau du cancer qui font partie des maladies de dégénérescence d'une civilisation comme la nôtre au niveau, justement, de l'élimination de la hiérarchie et de l'introduction de la démocratie absolue. Ça, c'est des transformations qui ont lieu au niveau du corps physique, au niveau de la circulation sanguine, c'est la même chose. Il y a des problèmes qui vont se développer avec les années qui viennent. Ensuite, il y a une transformation au niveau du corps éthérique, c'est-à-dire qu'on ne capte plus de la même manière les énergies. Bon, on appelle ça les maladies initiatiques, ce genre de choses, hein. C'est-à-dire qu'il y a des dérèglements au niveau de la captation des énergies. Au niveau des chakras et tout ça. Au niveau du corps astral, ça change aussi. C'est-à-dire que les émotions sont altérées. On passe par des stades d'émotions où on a une espèce de froideur face au phénomène jusqu'à une exaltation très, très forte des émotions. Parce que cette pénétration des énergies nouvelles qui passe à travers le corps astral fait en sorte de faire vibrer très rapidement le corps astral. Alors les gens ont ce sentiment sont très excités sur le plan émotif et sentimental. Alors, il y a tous les problèmes qui se dégagent autour de ça et que l'on connaît dans notre civilisation avec les divorces, ce genre de phénomène. Et au niveau mental, c'est là que ça se passe le plus. Et au niveau mental, il y a le doute qui s'installe. Et il y a le doute qui s'installe au niveau des philosophies, au niveau des religions. Et il y a une quête, et c'est les derniers relents de l'intellect luciférien, il y a une quête vers un fondement. Alors ça, c'est ce qui explique tout le phénomène des nouvelles religions avec les sectes. C'est-à-dire que les gens ont besoin de fondements solides et ils se laissent, du moment qu'il y a quelque chose, il y a une compréhension qui s'installe en eux, ils ne vérifient plus les fondements. Peu importe que le gourou soit parti sur un fondement absurde, il a fait quelque chose, il a fait un système qui fleurit. Alors, on adopte ce système. Alors ça, c'est une transformation qui se fait au niveau du mental. Alors, ça implique des souffrances. On a une civilisation qui est souffrante quand même aujourd'hui. Il faut le reconnaître, tant sur le plan physique que sur les autres plans. Et cette souffrance, elle est véritable. Et elle est le signe de cette descente nouvelle de quelque chose de neuf qui viendra. Ou qui est déjà là, mais qui n'est pas capté par tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui est déjà prêt à se recevoir cela. Ils sont prêts, mais ils sont pas prêts à la captation comme telle. Dans la deuxième partie, ça serait intéressant d'avoir des questions sur la connaissance amour, là, dont tu as fait allusion tout à l'heure. Maintenant, une question on va revenir peut-être dans un domaine plus psychologique. Peux-tu faire une relation entre les croyances, compréhension, le savoir initiatique, et ce qu'en psychologie on appelle le surmoi? Bon. À l'intérieur de la psychologie, ce qu'on appelle le surmoi, c'est ce qu'on appelle dans les écoles ésotériques la réflexion du mental des dieux, c'est-à-dire du mental de ce qu'on appelle le causal, le plan causal. Alors, il y a dans le plan causal des grandes croyances qui sont les outils de création, qui sont des démiurges, si on veut, qui constituent la réalité, sur un plan matériel concret comme sur un plan psychologique. Alors, à l'intérieur de l'individu, ce que l'on a reconnu en psychologie comme étant le surmoi, c'est cette structure individualisée jusqu'à un certain niveau, bien que ce soit aussi une certaine forme de collectivité, individualisée jusqu'à un certain niveau de ces démiurges, de ces outils de création, c'est-à-dire de ces croyances. Alors, il y a à l'intérieur d'un individu tout un champ de croyances qui lui vient de son développement passé, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'âme. L'âme, j'ai déjà défini l'âme dans des conférences antérieures en vous disant que c'est un réservoir d'énergie. Bon, la croyance, c'est la structure qui permet à cette énergie de créer quelque chose. Alors, dans l'âme, il y a cette réserve d'énergie qui est constituée du travail de l'esprit sur le corps, mais il y a aussi des structures qu'on appelle des croyances, qui sont des forces démiurgiques. Bon, alors dans l'âme de l'homme, il y a ces croyances. Maintenant, si vous analysez le surmoi, hein, et les différentes catégories du conscient et de l'inconscient en psychologie, là, vous faites de la compréhension. Hein. Le problème, c'est que lorsque vous comprenez un mécanisme, par exemple, le mécanisme des rêves, d'une manière freudienne, en disant que bon, c'est quelque chose qui a été refoulé dans l'inconscient, qui tout à coup réapparaît un peu, et bon, sous forme symbolique, etc., eh bien, cette compréhension On ne peut pas lui donner un statut supérieur à celle d'une croyance scientifique. Alors, il y a une croyance scientifique, mais rationalisée. C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a un inconscient. Qu'est-ce que l'on en sait de la réalité de l'inconscient? Est-ce que c'est pas une façon de fragmenter la conscience? C'est une façon de fragmenter la conscience et c'est une manière scientifique de voir les choses. Alors, la science mène à la mort. C'est-à-dire, la science mène à une destruction de la paix en l'homme. Alors que l'aspect contraire à la science, c'est-à-dire l'aspect synthétique de la réalité, mène justement à la pacification de l'homme. Et c'est pourquoi le scientifique, l'esprit scientifique est troublé, est tourmenté. Hein? Parce que il y a toujours une guerre intérieure. Hein? La science est fondée, comme vous le savez, sur le principe de falsification. Pour qu'une chose soit scientifique, il faut pouvoir montrer qu'elle est fausse. C'est assez curieux quand même, hein? Alors, si vous dites « Dieu existe », c'est pas scientifique. Parce que vous êtes incapable de prouver que c'est faux. Bon. Alors, c'est basé sur le principe de falsification, c'est basé sur le principe de la fausseté, et c'est un amoncellement de fausseté qui soi-disant, amène à quelque chose de plus. Alors, sur un plan scientifique, donc, je parle d'une science, la science bâtard de la planète Terre comme elle est actuellement. Je parle pas, si vous voulez parler de science cosmique ou autre chose, là, c'est à un autre niveau. Mais, disons, la science telle qu'on la connaît actuellement, c'est un effort de fragmentation, tout simplement. Et si on cessait cette fragmentation, c'est-à-dire si on essayait de réaliser une unité du tout, on verrait qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre l'inconscient et le conscient. On verrait qu'en fait, tout cela, c'est une seule unité, c'est une seule entité, mais qui fonctionne sous différents rapports, qui fonctionne de manière différente. Mais on ne pourrait pas la séparer, la fragmenter. C'est comme le cerveau actuellement. Hein? Biologiquement, ça nous incite à ça, mais on sépare en deux hémisphères. On dit, bon, le droit côté, le right side, puis le mauvais côté. Sinister. Eh bien, dans le fond, c'est pas juste, ça. Dans le fond, c'est une même entité, c'est le cerveau. Enlever le cerveau droit, ça fonctionnera plus, la chose. Hein? Alors, c'est une seule entité, mais qui fonctionne sous différents rapports et que l'on a catalogué, que l'on a analysé pour les besoins d'une compréhension scientifique. Alors, c'est en ce sens-là qu'on peut dire, bon, au niveau du surmoi comme au niveau de tous les concepts de la psychologie, qui sont dans ce développement d'une conscience scientifique, c'est-à-dire d'une compréhension des choses. On veut vraiment ramener à soi. Et comme on fonctionne d'une manière, au niveau intellectuel, d'une manière séparatiste, eh bien, on veut séparer la réalité. Mais ça, c'est de parler de ces différents concepts, c'est intéressant. Bon, si on est psychologue de développer, c'est intéressant au niveau d'une réflexion ésotérique ou d'une réflexion intelligente, dans la mesure où on situe l'affaire dans le cheminement. Parce que aujourd'hui, le dogme, c'est la science. Alors, on a un dogme scientifique. Regardez, lorsqu'un scientifique se prononce sur une question, ça va. C'est gobé, c'est correct. Lorsque un homme beaucoup plus intelligent que lui, mais qui n'est pas docteur d'université, qui n'est pas n'a pas une chaire universitaire à quelque part, dit la même chose, ça va pas. On va vouloir aller chercher la confirmation. On va vouloir aller chercher le spécialiste. Hein? On a fait de la science un nouveau dogme, tout simplement. Et il n'est pas plus glorieux. L'infaillibilité du docteur en physique n'est pas plus glorieuse que l'infaillibilité du religieux. Hein? Si vous voulez revenir sur votre question, Dada. Bon, par rapport à la science ou à la preuve expérimentale, là, quelle valeur accordes-tu à la révélation? La preuve expérimentale, c'est lorsque on est au plus bas niveau de la conscience 2. Dans le mécanisme de la démonstration expérimentale, faut pas que l'individu, le sujet, soit inclus. On fait tout, on isole tout pour que ce soit seulement l'objet. Alors que la seule chose qu'on oublie, c'est que notre isolation, c'est le sujet. Hein? C'est le sujet qui la pose. Parce que, en fait, il n'y en a pas d'isolation. Bon. Et les résultats que l'on a de la méthode expérimentale, ils sont liés à l'isolation. C'est-à-dire à ce que le sujet a mis. Je vous donne un exemple. Si votre expérience, c'est de pêcher des poissons de telle grosseur, juste au-dessus de 2 pouces, par exemple, de diamètre. Bien, vous allez prendre un filet qui laisse passer les petits. Alors, en science, qu'est-ce qu'on fait? On met le filet pour la grosseur des poissons qu'on veut. Bon. Et on veut, et c'est ça la méthode expérimentale, ne pas tenir compte du filet. C'est-à-dire ne pas tenir compte du sujet qui a attrapé les poissons. Bon. Alors ça, c'est l'étape la plus inférieure du développement de la conscience, qui est la conscience, qui est la conscience de. Et c'est à l'intérieur de ça que le mécanisme de la science va s'élaborer. C'est à l'intérieur d'un rapport de conscience de. Maintenant, le sujet a une part aussi d'importance à un autre niveau de la science. C'est à l'intérieur des hypothèses. La formulation d'hypothèses et ensuite la vérification de lois et l'extension d'un phénomène limité à une universalité. C'est l'établissement d'une loi universelle. C'est encore le même désir d'universalité et d'éternité qu'on retrouve à l'intérieur du sujet qui va commencer à s'exprimer. Et dans la révélation? Et la révélation à l'intérieur de ça, c'est le fondement sur lequel le scientifique s'est posé. Le filet et le sujet. Il a fallu qu'il lui soit révélé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un individu se lève et il veut faire la démonstration de ceci. Et il a en tête la méthode à employer. Ça, c'est la révélation. Ça, il ne l'a pas eu. Il ne l'a pas eu sur un plan logique. S'il l'a eu sur un plan logique, il faut aller chercher les prémices de ce plan logique. Et si elles viennent d'un plan logique, il faut aller chercher les prémices de ce plan logique. Et on se rend compte à un moment donné qu'on arrive à un cul-de-sac. Ce cul-de-sac, c'est la révélation. Regardez ce que les Raéliens ont voulu faire, prouver la création de l'homme en laboratoire par une autre humanité. Ça, c'est tout à fait scientifique. Allez maintenant à cette autre humanité. On va la prouver comment? Par la création d'une autre humanité. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait une révélation, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui vient d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, c'est ça le fondement, c'est ça la croyance. On croit à une origine. C'est pour ça qu'ils ont déjà pris une tournure religieuse. Ah, ils ont une tournure religieuse puisqu'ils sont la seule église athée au Canada. Raphaël Payeur, merci beaucoup. Merci. Ça a passé vite. Alors, on fait une pause de 20-25 minutes et puis on revient en compagnie de Raphaël avec vos questions qui, j'espère, seront très nombreuses. Vous pouvez bénéficier du spécial à l'achat du billet pour la prochaine conférence de Raphaël. Vous pouvez avoir la cassette de cette première partie gratuitement également.